Chapitre 22e. Éléonore, reine de Portugal. 1. Une passion malheureuse. C'est la première fois que nous abordons à Lisbonne ce qui aurait pu donner à croire que les bords du Tage étaient un climat privilégié où ne fleurissaient point ces galanteries royales, ces fleurs éclatantes et dangereuses dont nous avons entrepris la collection. Rien ne serait plus erroné qu'une telle supposition. L'histoire de Portugal nous offre plusieurs Éléonore. Nous n'en cueillerons qu'une à titre d'échantillon. Elle n'était point d'origine royale. Elle était fille de Martha Alphonse Télès de Nunes, et avant d'être appelée au trône, était mariée à un simple gentilhomme, Don Juan d'Acuna. Ce gentilhomme ayant conduit sa femme à la cour, le roi Ferdinand en tomba éperdument amoureux. Ce roi était un cœur ardent et une tête faible. À sa place, François Ier aurait engagé le mari à aller se promener dans ses terres, et fait de la belle Éléonore sa favorite de premier rang. Le roi Ferdinand, lui, n'imagina rien de mieux que de prier le mari de divorcer et d'épouser l'objet de sa passion. À cette occasion, sans doute, Don Juan d'Acuna fut décoré et comblé de biens, et l'on verra qu'il ne fit pas une grande perte. Il fut le seul, peut-être, qui applaudit à l'intention du roi. La cour d'Espagne en fut irritée car il existait des projets d'union entre Ferdinand et l'infante de Castille. Le peuple de Lisbonne traduisit son indignation par des émeutes, et les grands se révoltèrent également. Mais Ferdinand, qui était faible au fond, se montra entêté et tint bon. Il renvoya ses conseillers, punit de mort les chefs des mutins, et Éléonore fut proclamée reine en 1371. Ambitieuse et fière, la parvenue eut à souffrir les dédains des grands et à supporter les soupçons injurieux du peuple qui ne voulait voir en elle qu'une intrigante. Elle essaya de se faire des amis, en comblant de faveurs quelques courtisans, et rechercha la popularité par des libéralités et des aumônes. Mais ne récoltant qu'ingratitude, elle renonça à se faire aimer et essaya de se faire craindre. La santé du roi, déjà faible avant son mariage, s'était épuisée au feu de sa passion. Elle tremblait à la pensée de se trouver veuve, en butte à une hostilité générale. Elle s'entoura des membres de sa famille, leur distribua les pouvoirs et les dignités, mais son caractère ombrageux ne lui laissait aucun repos et lui faisait voir des ennemis jusque dans sa famille. Un drame affreux en résulta. Elle avait appelé près d'elle sa jeune sœur Marie, dont la beauté avait séduit l'infant Don Juan. Loin de contrarier leur passion, elle ferma les yeux, n'y voyant qu'une galanterie éphémère. Mais ayant appris que les deux jeunes gens s'étaient unis par un mariage secret, elle s'alarma et craignit une concurrence au trône. Elle résolut de perdre sa sœur. Avec une perfidie inimaginable, elle parvint à exciter la jalousie de l'infant et lui inspira de faux soupçons qui le portèrent à poignarder sa jeune femme. Le roi, qui ignorait cette trame, conçut une profonde douleur de ce drame domestique, mais cette douleur restait sans consolation. Il avait écarté de lui ses amis les plus fidèles et il se trouvait seul, malade, en présence d'une femme dont il s'était fait l'esclave et le jouet, qui ne l'avait jamais aimé et qui le trompait depuis longtemps. Elle avait pour favori un gentilhomme castillan, Don Juan d'Andeiro. Elle n'attendit pas que la mort eût fermé les yeux du malheureux Ferdinand, qui emporta dans la tombe le remords de sa folle passion et le souvenir des trahisons de sa femme. D'Andeiro tenait déjà sa place dans les cérémonies publiques où il ne pouvait plus paraître. En 1383, le favori avait accompagné la reine à la cour de Castille pour les fiançailles de l'infante Béatrix de Portugal avec Don Juan, roi de Castille. Le roi mort, Éléonore partagea le gouvernement avec D'Andeiro. Toute réserve, toute pudeur fut bannie. L'avènement du favori fut le signal des prodigalités les plus insensées et des actes les plus arbitraires. Les destinées du Portugal devinrent le jouet de ses amants, qui faisaient de leur reine une orgie, comme si un secret pressentiment les eût avertis de se hâter de jouir de leur richesse et de leur pouvoir. La fin du règne d'un aventurier est toujours marquée par des fêtes étourdissantes, et c'est pour cela que l'orgie du cinquième acte du prophète ressemble à tant de pages d'histoire. Tandis qu'ils s'abandonnaient au plaisir, l'orage qui devait les emporter s'amoncelait à l'horizon. Les mécontents se groupaient, et bientôt formaient un parti puissant, sous la direction de Don Juan, grand maître d'Avis. Un soir, devant le palais resplendissant de lumière et plein de bruit joyeux d'une fête, de la foule des curieux attardés sur la place, comme de coutume, se détacha brusquement une centaine d'hommes qui s'élancèrent à travers la cour renversant les gardes qui leur faisaient obstacle au cri de « À mort d'Andeiro !» L'élan des conjurés fut irrésistible. À peine le vestibule du palais fut-il taché de quelques gouttes de sang. La foule, bientôt considérable, était prête à les soutenir. En un instant, le grand maître Davis et ses partisans pénétrèrent dans les salons et se ruèrent vers le favori. Don Juan d'Andeiro se tenait près d'Éléonore, cherchant un abri dans la majesté royale. À peine eut-il temps de saisir son épée. « Que voulez-vous ? » s'écria Éléonore en se portant hardiment à leur rencontre. « La mort d'un coupable, la mort d'Andeiro. » « Si Don Juan d'Andeiro est accusé d'un crime, la reine doit entendre l'accusation et faire rendre justice. » « L'arrêt est prononcé, » répondit le chef des conjurés, « et le châtiment est au bout de nos épées. »« Êtes-vous des assassins ?» s'écria Éléonore, et se retournant vers d'Andeiro, qu'elle entoura de ses bras, « frappez donc si vous l'osez !» Le grand maître Davis, inébranlable dans sa résolution, s'approcha de la reine, écarta sa main et poignarda d'Andeiro dans ses bras. Couverte du sang de son amant, elle tomba privée de connaissance. Lorsqu'elle revint à elle, elle n'était plus régente. Elle était seule dans son palais occupé par ses ennemis, entendant les cris de la foule qui traînait otage le cadavre d'Andeiro. La fête n'était plus au palais, mais dans la ville entière, qui retentissait de chants et de cris de joie. Frémissante d'épouvante et d'horreur, elle écoutait ces bruits, ces clameurs, qui grossissaient de minute en minute, et comme le grondement d'une marée d'équinoxe se rapprochait de plus en plus. Est-ce que le peuple allait aussi réclamer sa part de vengeance ? Quelques serviteurs qui s'étaient tenus cachés jusque-là, en entendant gronder la foule, accoururent près de la reine. « Madame, madame, il faut fuir. Le palais va de nouveau être envahi. Votre vie est menacée. » « Fuir ? Seul ainsi, sans une épée fidèle pour me protéger ? La nuit vous protégera mieux que les épées de vos partisans. Mais ma famille, mes frères ? Ils sont déjà sur la route d'Alanguer. Il nous reste quelques chevaux. Profitons-en pour les rejoindre. »« Allons, » dit-elle la rage dans le cœur. Elle s'habilla à la hâte, emporta tout l'or et tous les bijoux qu'elle put emporter et s'évada de sa capitale. On rapporte qu'au moment où Lisbonne disparaissait à ses yeux, elle se tourna vers cette ville en s'écriant « Oh Lisbonne, ingrate et perfide, fasse le ciel que je puisse te voir embraser !» Souhait maternel qui, heureusement, ne se réalisa point. De Lisbonne, la régente gagna Alanguer et de cette ville passa à Santarém. Elle ne s'éloignait pas beaucoup et ne quittait point les bords du Tage. On ne songea point à l'y inquiéter. Le parti victorieux, au lieu de profiter de son facile succès, se divisa. Les chefs se retirèrent dans leur domaine pour s'y fortifier ou armer leurs vassaux et tenir la campagne. Lisbonne, des excès de la tyrannie, tomba dans les misères de l'anarchie. La régente, instruite de ce désordre, reprit courage et chercha l'appui de l'étranger. Elle s'adressa à Don Juan de Castille. Ce prince était son gendre. Ferdinand étant mort sans laisser d'enfant mâle, elle pressa Don Juan de se faire reconnaître au roi de Portugal. Le roi de Castille ne pouvait rester sourd à son appel. Il se rendit à Santarém, suivi de sa noblesse et d'une petite armée. Éléonore ne respirait que la vengeance, mais comme on l'a dit, la vengeance est un mets qu'il faut manger froid, et en ce moment la fumée de ce mets obscurcissait l'esprit de la régente. Dans son aveuglement, elle se dépouilla en faveur du roi de Castille de tous ses droits, et ne se réserva aucune autorité pour prier la mort des assassins d'Andeiro. Elle se donna un maître et ne tarda pas à s'en repentir. Don Juan entra à Lisbonne, qu'il rançonna par la raison que toute intervention se paye, et ce ne fut pas d'Andeiro qui fut le mieux vengé, mais l'infortuné Ferdinand. Ayant à redouter à la fois dans Éléonore une reine détestée de son peuple, une femme astucieuse et une belle-mère, le roi de Castille la fit enfermer dans le couvent de Tordesillas, près de Valladolid. La chronique ajoute qu'elle y mourut en 1405 de chagrin et de remords. De chagrin, nous pouvons le croire, mais de remords, cela nous paraît bien invraisemblable. Depuis longtemps, les spectres de Ferdinand et de la jeune Donna Maria, sa sœur, ne l'empêchaient plus de dormir.